Nouvelle du rétablissement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Les militaires de l'armée populaire de Corée ont mis sur pied un quartier résidentiel nouveau dans la zone sinistrée de l'arrondissement de Musan. Ils ont terminé le premier la construction des logements pour accélérer à l'étape finale les travaux de construction d'une dizaine d'établissements publics tels que l'école et le jardin d'enfants. À la ville de Faelyong, les militaires ont terminé pendant 3 jours la peinture et les travaux de couverture de tôle des maisons d'habitation de 1760 foyers et de 16 édifices publics, alors que les militaires mobilisés dans l'arrondissement de Gyeongun poussent à l'étape finale les travaux de construction de 250 logements. Les bâtisseurs de la province du Hamgyong du Nord ont terminé à 90% la construction des maisons d'habitation des régions sinistrées, notamment l'arrondissement d'Ansan. Par ailleurs, la fabrique de chaussures de Chongjin, qui avait envoyé nombre de chaussures aux enfants sinistrés, a produit 100 000 chaussures de toutes espèces pendant une quarantaine de jours.